cache vite activation compréhension auditive. Degré d'assentiment, certitude, incertitude. Choisissez la meilleure réponse aux questions que vous allez entendre en entourant A, B ou C d'un cercle. Par exemple, vous entendez. 1. Mireille fait des études. Vous voyez. A. On ne peut pas savoir. B. C'est possible. C. Mais oui. Vous entourez C d'un cercle, puisque nous savons très bien que Mireille fait des études. 2. Est-ce que Jean-Pierre Bourdon va faire du droit? Mireille connaît-elle les Courtois? 4. Est-ce que Marie-Laure va à l'école le mercredi? 5. Est-ce que Marie-Laure connaît Robert?